Les matelots du bateau battant pavillon cambodgien Evo Bright ont célébré le 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, aux portes Chongjin le 19 juin. Ils ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.